Un Français en Algérie se sont conduits comme des nazis. C'est un peuple qu'on a sacrifié, un crime contre l'humanité. À 17 ans, je n'ai pas envie d'aller crever pour ton drapeau. Autant pourri des colonies, je préfère ma vie dans le caniveau. Ce sont les hommes que l'on torture, la laine fétide de la guerre. Il restera cette blessure, une souffrance nécessaire. Des femmes violées, des enfants morts, au nom de la patrie gaulliste, au nom d'un drapeau tricolore. Acte barbare, acte fasciste. La liberté que l'on enchaîne, le monde arabe en esclavage, dans l'hexagone des gueules sa haine, métro Charonne c'est le carnage. J'irai mourir sous d'autres terres, car j'ai choisi de déserter. Les Algériens sont tous mes frères, je vomis sur l'État français. Certains Français en Algérie se sont conduits comme des nazis. C'est un peuple qu'on a sacrifié, un crime contre l'humanité. À 17 ans, je n'ai pas envie d'aller crever pour ton drapeau. Autant pourri des colonies, je préfère ma vie dans le caniveau.